Entrez, c'est par ici. Installez-vous confortablement. Léna, Jack vous accueille dans le club VIP. Club VIP. Le club VIP, l'émission qui déchange la tête. Effectivement, le club VIP, c'est reparti avec son lot de bonne humeur, son lot d'animatrice aujourd'hui. Léna, de retour dans les studios. Tu vas bien? Et toi-même? Super. Mais comme tu nous as manqué hier. C'est vrai, vous m'avez manqué aussi. Il y avait donc également pour nous accompagner Yarizi et Jenny, hein, qu'on voilà. Salue. Et nous avons aujourd'hui Mallory. Oui. Oui. Comment tu vas? Bien, bien. T'es en vacances là encore? Oui. C'est inadmissible. Bon, on va justement, les vacances s'achèvent à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, puisque tu vas nous annoncer le sommaire, c'est ton boulot. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du sondage du jour, la série radiophonique, la summer chronique, le journal, le saint du jour et le canular. Waouh. J'ai peur quand tu dis canular. Redis-le. Le canular. Ouais, ça donne pas envie d'appeler, de se faire appeler et de se faire canulariser par toi. C'est du caviar pour vos oreilles. Caviar. Oui, on a des goûts de luxe, du caviar et à Christina Aguilera avec le titre Mother. Still do. You got me, I got you. Christine Aguilera. Et en anglais, ça donne Christina Aguilera. C'est sur l'antenne d'Estival. Pour contacter la radio, un simple texto suffit. 0-622-69-18-19. Pardon ? 0-622-69-18-19. Entrer progressivement dans un autre univers. La VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum. Bonne musique, bon esprit sur l'antenne. Station Millennium, c'est également le nom de la web radio qui nous a accompagné tout l'été. www.station-millennium.com, le flux internet sur lequel vous avez été extrêmement nombreux à vous connecter. Ça fait plaisir. Dans les studios, il y a Léna. Toujours là. Et plus que jamais. Bah oui. Au taquet. C'est parti. Il y a également Malo. Ouais. Oh, Malo, un peu plus de pêche quand même. Il y a Malo également. Ouais. Et puis, bon, c'est vrai que c'est la dernière, il faut le dire. Oui, ça y est. Mais on va faire quelque chose d'assez formidable. C'est vrai. Deux choses. D'abord, on va avoir un petit coucou d'une chanteuse. D'accord. Qui a tenu absolument pour la dernière à venir nous dire un petit coucou. Mais il y a également que sur le site internet, vous pourrez suivre également un petit cadeau film que nous avons fait pour cette dernière. Et qui viendra d'ici 2 semaines, puisque le temps est à la production. Bah oui, on ne voulait pas partir comme ça sans vous donner finalement une petite production visuelle. Et on vous offrira tout ça sur le site de Station Millennium. Ça sera en exclu pour les web internautes. Et puis pour vous, auditeurs qui écoutez sur la bande FM, on vous a prévu une grosse surprise sur le site internet, une surprise de post-production énorme au niveau. Moi, je dis que ça va être le film de la rentrée. Ça va être le film de la rentrée et c'est gratuit, ça sera pour vous. La suite, d'ici quelques instants, ça sera le sondage du jour. Un sondage avec son lot de suspense. Qui va être élu numéro 1 des caractéristiques que tu vas énumérer? Oui. On va le savoir d'ici quelques instants. Après Vinyl Shaker, One Night in Bangkok. One night. Club VIP. Le Club VIP, c'est reparti. À l'instant, vous avez pu entendre Vinyl Shaker avec One Night in Bangkok. Ça vous plairait de passer une nuit à Bangkok? Ah oui. On aime bien Bangkok. C'est une jolie ville, un peu humide, mais on aime bien quand même. Alors, on est avec Léna dans les studios. Il y a Malo également. Et il y a Jack. Ouais, tout à fait. Ça va, Malo? Tu passes une bonne fin d'émission? Ouais, super. Ça vient de commencer, en fait. Est-ce que c'est un piège? Tu es tombé dedans? Tu es pas sympa. Alors? Tu passes un bon début d'émission? Oui, super. Alors, nous allons attaquer avec... oui, j'aime bien dire attaquer, parce que c'est vrai. Nous allons l'attaquer cette fois. C'est le sondage du jour. Alors, le sondage du jour, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose de très important. Parce que vous savez que dès qu'on dit le mot sondage, on est soumis à des normes, oui, si vous voulez. On est obligé de contrôler le nombre de personnes sondées, savoir si le sondage est exact. Donc, j'en appelle tout de suite au premier jingle. Dans une minute environ, nous nous mettrons en liaison avec la Sofres. Pour les résultats du sondage CSA Sofres Paris Match Le Monde, point, oui, virgule, oui. Point barre. Alors, attention, la minute vient de s'écouler. Voici le sondage du jour. Le sondage du jour. Toutes les tendances, enfin déchiffrées par notre expert. Alors, le sondage aujourd'hui, c'est quel est votre comique préféré? C'est dur comme ça. Alors, qui c'est que vous aimez bien? Bah moi j'aime bien Elise Moon. Elise Moon. Et t'as Malo? Florence Foresti. Moi j'aime bien Franck Dubos. Franck Dubos, j'allais. Il est pas mal. Alors donc le troisième c'est Coluche. Ah oui, il fallait, bah oui. On avait le droit au... Bah oui, à tous. Le deuxième, bah c'est Florence Foresti comme Malo. Oui, oui, oui. Et le premier, attention, c'est Gad Elmaleh. Ah, oui, bah oui, il est bien Gad Elmaleh aussi. D'accord, bah c'était pas... Avec son blond et sa tomate qui sort du sandwich, tu t'en souviens? Ouais, mais très bien. Énorme ça. Comme quoi les Français ont un bon sens, ouais, de l'humour. Ça va. Hein. En choisissant les meilleurs. Read Rewind, on vous met le feu aujourd'hui, puisque c'est la dernière. Donc on aura tout brûlé. Voilà. Mais on éteindra après quand même, c'est dangereux. My thoughts without you. Isn't a story, isn't a story, or a movie ending. Isn't a story, isn't a story, or a movie ending. We'll be right back. DJ Nox, remix, Read, Rewind, c'est le titre remixé bien sûr, c'est sur Estival. On va vous passer comme ça des petites perles musicales et puis également des classiques. Club VIP. C'est le Club VIP que vous écoutez. Enfin, si vous en doutiez. Eh bien non, vous êtes bien sur le 107.4. Également la web radio www.station-millenium.com. Non mais on les salue parce que énorme de nous avoir relayé comme ça sur les ondes du web. Merci. Je salue tout particulièrement Franck et Mathieu. Merci Mathieu. Merci Franck. Vous avez fait un travail formidable. Nous sommes en compagnie de Léna et de Malo. Il y a également Thomas et Studio Pauline également. Bonjour à tous. Bon ben, il y en a un qui est au taquet, il y en a trois qui sont endormis, on recommence. Bonjour Thomas. Ouais. Bonjour Léna, bonjour Malo, bonjour Pauline. Bon, on en retrouve à peu près 4 au taquet, voire 5 avec moi, puisque Jack est également là pour vous accompagner, pour vous parler de la suite avec Malo. Bon, qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas écrit sur les feuilles en plus, c'est un piège. C'est la série radio? Ah oui, exact, c'est la série radio. Ouais, ouais, tout à fait. On va donc écouter l'épisode. Léna. Oh, tu souffles, c'est moche. C'est quel épisode qu'on va écouter? 19. Bien. Estival, nouveau son, Summer 2007. Summer 2007. Ça vous a accompagné. Hein. On se permet de prendre le juice box de la radio, de piocher dans les meilleurs succès qui vous ont accompagné cet été. Black Runner. Here you go. Everybody, we've got the power to make the clubs move all around the world. Now. ça finit toujours un peu abrupt, hein, notre titre de Black Runner, The Sport is Started. Et des fois, comme ça, on se fait surprendre par la musique. C'est Estival que vous écoutez. Club VIP. De toute façon, dans cette radio, on s'est souvent fait surprendre cet été par la musique. Hein. Pas vrai, Léna? Oui, forcément, oui. Il y a des petites comme ça, ouais, des petites accrochages musicaux qu'on a... On n'a pas vu venir, la musique arrivait par derrière nous, elle nous prenait, elle nous attirait, et des fois on se faisait entraîner. Il y a Malo dans les studios. Oui, toujours là. Oui, oui. Elle est bien là, présente. Il y a Léna, alors Léna, excellent ce programme de cet été, musical, oui. Mais il n'y avait pas seulement un programme musical, il y avait quoi d'autre? Un programme radiophonique. Un peu, mon neveu. Bah oui. C'était la série Kiss Kiss Forever. Voilà. Et on vous propose, parce que... Bon, une petite question dans le studio. Combien il y a d'épisodes dans la série Kiss Kiss Forever? 20. Ouais, 20. Et oui. Et nous allons jouer là le 19. Ça veut dire quoi? Que c'est l'avant-dernier. Voilà. Et ça veut dire que d'ici moins d'une heure, vous aurez le dénouement de votre saga radiophonique. Celle que vous avez attendue tout l'été. Oui, vous voulez savoir comment ça finit? Eh ben, ça va finir dans moins d'une heure. Pour ceux qui ont raté l'épisode 19, bon déjà c'est pas bien, hein? Tu leur dis Malo que c'est pas bien. Non, il faut écouter. Voilà. C'est pour ça qu'elle est en train de se dorer la pilule pendant que la série passait, c'était pas mal. Hein. Et voici maintenant, ah bah tiens voilà, c'est pour toi aussi, rattrapage, l'épisode 19 qu'on vous cale dans les platines. Voilà, je mets dans la cassette, dans le cassette, et on y va, on le joue. Dans les épisodes précédents, Brian, acteur amnésique, est en train de refaire surface. Il investit toute sa fortune dans la production d'un grand film, mais sa femme ne l'entend pas de cette oreille et tente une manœuvre pour l'empêcher de retourner. Voici l'épisode 19 de votre série Kiss Kiss Forever, épisode intitulé Grande Folie. Résidence Forever, 13h05. Bonjour GMX, tu viens prendre ton petit déjeuner dans la véranda? Tu vas rire, mais maman est en train de téléphoner à son avocat pour demander le divorce. Ta mère est perturbée, elle n'accepte pas que j'investisse tout notre argent dans ma carrière. Je veux que ce soit maman qui ait ma garde. GMX, tu seras gardé dans une pension privée stricte, un couvent. Y'en a marre de cette famille de tarés. Pamela, raccroche. Je vais rompre, Brian. C'était mon avocat en ligne. D'abord, tu cherches à me tuer. Ensuite, tu demandes le divorce. C'est quoi la suite? Un remariage à Las Vegas? Tu n'as pas compris que je ne croyais plus en tes talents d'acteur et que l'argent que tu as amassé ne doit pas être investi dans un film à gros budget et à faible spectateur. Tu es jalouse parce que je vais jouer aux côtés de Cameron Cruz. Elle boit et en plus, elle mange gras. On l'appelle la vache sucrée d'Hollywood. Je ne te reconnais plus. Toi qui m'encourageais tant à reprendre des cours de théâtre, te voilà aigrise. Va rejoindre ta Cameron. Moi, je demande le divorce. J'en ai assez de discuter dans le vide. Tu m'as déçu, je ne te reconnais plus, même au-delà de mon amnésie. Cameron, c'est Brian. On tourne bientôt ensemble, c'est Texas? Oui, mais c'est pas pour ça que j'appelais. Ah bon? Ma femme, elle n'est plus la même. Les liftings, ça change un visage. C'est vrai, mais il n'y a pas que cela. On peut en discuter dans ma garçonnière, si vous voulez, Brian. D'accord. Cameron, je suis là. Bonjour Brian, je suis dans mon bain. Vous prenez votre bain au champagne? L'eau est trop chère, ici, à Hollywood. Cameron, ma tête est perdue dans les confusions de l'amour. Vous avez un gros bobo à votre cœur? Je suis marié à un vampire qui veut me pomper tout mon argent. C'est un certain mordant. N'empêche que je la reconnais plus. Même si j'ai perdu la mémoire, cette créature reste étrangère à mon cœur. Mais êtes-vous sûr, Brian, que celle que vous avez retrouvée est vraiment votre épouse? On peut le penser avec les plus fortes présomptions. Voilà donc l'épisode 19. Comment as-tu dit, Léna? Parce que t'as pas entendu. C'est un certain mordant. Ah oui, c'est vrai, certainement. La suite d'ici moins de une heure, vous saurez comment la saga se finit et comment Brian va s'en sortir avec cette épouse qu'il ne reconnaît plus. Le club VIP. On vous passe les succès qui ont fait les beaux jours d'Estival. Évidemment, il serait idiot d'oublier Magic System. Avec quoi de Belek? Mais y a quoi les gars? Soudain, comment y'a? Magic System est qui dit mieux? Qui dit mieux? débrouiller. Le club VIP, à l'instant c'était Magic System avec le titre Qui dit mais. Vous avez kiffé ce titre? Malo, t'as aimé? Oui. Ouais, c'était bien. Ah, elle est super. Ouais, et puis c'est une chanteuse, Magic System, énorme. Ah, non, c'est vrai, elle se démerde bien. Nous allons attaquer d'ici quelques instants avec la suite du programme. Tiens, d'ailleurs, en aparté, je vous fais un petit commentaire à vous, auditeurs. Écoutez bien. Nous allons avoir Amel Bent au téléphone. Chut. Voilà, j'ai pas dit. Ah, j'arrive pas à tenir ma langue, Léna. Bah oui, faut rien dire. On va appeler Amel Bent, vous savez, celle qui chante Nouveau Français, celle qui a chanté Philosophie. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Tu chantes si bien. Ah bah la mère. Toujours le poing levé. Ah ouais, ça fait plaisir d'avoir Amel Bent quand même. Bah oui, c'est sûr. Bah ouais, elle arrivera. Et juste avant, nous allons faire un point sur la Summer Chronique. Quelle est-elle? Ah, c'est le DVD test. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Tu décortiques et analyses le 7ème art. Je croyais que c'était toi. J'avais peur de te décortiquer. Je n'avais jamais fait de décortiquage d'animatrice en direct. Alors je préfère que ça soit un DVD, ça fait moins mal. C'est sûr. Bob Sinclair, mais c'est le fameux... Pardon ? Fireball ? Ouais, que tu apprends à un perroquet, m'attendu. Oui. Comment on fait ? Alors, mettons que je sois le perroquet, vas-y, essaye de m'apprendre Fireball. C'est pas une poule. Ouh, ça va, je sais pas faire le perroquet. Un perroquet, c'est pas une poule. Fais le perroquet, alors. Léna ? Hein ? Fais le perroquet. Bah, y'a pas, il tweet, il a la même voix que toi. Mais... Alors, tu lui dis quoi, ton perroquet ? Bah, j'y chante le refrain. Vas-y. Bonjour, vous êtes sur Estival FM avec le perroquet Jacques qui va vous annoncer Fireball. Et petite dédicace à ton perroquet, il s'appelle comment? Kaline. Le Club VIP, la suite avec Malo. Comment, où t'es où? Je suis ici. D'accord. Avec Léna dans les studios. Toujours là. Présente, on présente. Dit hein, attention, les bonnes habitudes, dis donc. Faut vous annoncer quelque chose quand même. Donc on va retrouver Amel Bent, on va l'appeler. C'est on a vrai. Son téléphone, regarde, j'ai volé son téléphone. Mais comment on fait pour appeler Amel Bent si on a volé son téléphone? Ah, mince. Je vais lui rendre, je vais lui demander son numéro et on va la rappeler. On va faire comme ça, d'accord? Ça va être plus simple. On va retrouver quoi dans la suite du programme? La Summer Chronique avec le DVD test. Voilà, on attend un petit peu le temps d'une chanson parce que la Summer Chronique c'est important. Je vais décortiquer quand même un DVD en direct. C'est vrai? Ça va être un massacre. Tu vas le noter aussi, je crois. Je vais lui donner une note, je vais... Ouais, tout à fait. Bah écoutez, je vais vous laisser tout simplement le temps de la réflexion, quelques secondes, mm-hmm. pour choisir pour les auditeurs le DVD test que vous souhaitez entendre. Ça marche? D'accord. Changement de musique. Alors, je me dirige dans ma DVD test. Tech. Tech, desk. Eh ouais, c'est grand, wow. C'est grand desk. Alors, où est ma DVD tech? Elle est là, ici à la radio. Très bien. J'ouvre les tiroirs, j'ouvre le placard principal où sont tous les DVD. On a plein. Ouais, regarde, t'as vu? Elle est grande ton armoire de DVD. Vous avez le choix entre Collatéral, Duel, Ghost Dog, Jour des Morts Vivants, Narco, Pitch Black, Racine du Mal, Narco, Summer of Sam. Narco, hein? Moi je veux bien. Narco, je crois ouais. que c'est Fabio qui l'a fait, il me semble. Narco. On y va alors? On y va. DVD test consacré à Narco. DVD test. On passe sur le grill, un DVD. Moteur, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans DVD test, nous allons nous attaquer au film Narco. Un film de Gilles Lelouch avec Guillaume Canet, Benoît Poulvord et Zabou Breitman. Gustave Klopp. Mais ici, tout le monde m'appelle Gus. Ici, c'est nulle part, un coin perdu au milieu de rien. Une ville dont tout le monde se fout. De moi aussi, tout le monde se fout. Je suis celui qu'on ne voit pas. Pourtant, je ne suis pas comme tout le monde. Je suis né avec un vice de fabrication, comme disent les autres. Je suis narcoleptique. Et voici mon histoire. C'est l'histoire de Gustave Klopp, qui est narcoleptique. En gros, il s'endort tout le temps, au travail, à table, en faisant l'amour. Ah viens, on fait ça avec une petite mousse. Ah Lenny, il est 11h quand même. Ouais, alors? Bah, je trouve que tu bois quand même un petit peu trop en ce moment. Hé hey, Gus, je bois pas. J'ai souvent soif, c'est pas pareil. Il vit dans ses rêves et décide de les rendre réels à travers des bandes dessinées. Très vite, ses amis vont en lui le moyen de se faire beaucoup d'argent. C'est avec un réel plaisir que nous nous occuperons de votre ami, Monsieur Poufkin. Et il n'hésite pas à mettre des tueurs à ses trousses. Je pense qu'on a tenté une fois de plus de le tuer. Mais on vous a raté. Tout à fait. Bon, bah, résumons-nous là. Vous êtes Gustave Klopp. Oui. Vous êtes chômeur de longue durée pour semi-invalidité. Vous êtes accessoirement dessinateur et vous pensez qu'on en veut à votre vie. Un film construit autour d'une bonne idée, mais qui a tendance à rendre narcoleptique, avec une réalisation un peu lente et un manque énorme d'action. Dommage, car il y a une belle galerie de personnages. Comprenez bien que la situation devient gênante. J'ai passé un contrat avec vous, vous m'aviez promis que je ne le reverrais pas. J'ai payé cher, très cher. Monsieur Poupkin, vous devriez... garder votre sang-froid. Vous énerver ne servira à rien. Et pourrait affecter la qualité... de notre travail. La qualité, mais quelle qualité? Vous n'avez fait que le rater. Attention! Monsieur Poupkin? Vous savez que nous ne pouvons supporter... esclandre ou colère? Cela nous rend... très nerveux, monsieur Poupkin. Et vous ne voudriez pas nous énerver? Monsieur Poupkin? Faites très vite. On note surtout la prestation de Benoît Poulvorde, dont le rôle de prof de karaté fan de Jean-Claude Van Damme lui va comme un gant. Mais qu'est-ce que tu espères dans tout ça? Je sais pas. De la gloire? Non. De la notoriété? Non, Et puis après, que feras-tu de ton âme? Attends, Jean-Claude, c'est facile pour toi de me dire ça, parce que toi, t'es tout en haut. Hein. Moi, je suis qu'une mère, je suis tout en bas. Personne n'est en haut ou en bas. La réussite n'est rien sans amour. Tu le sais. On mettra une note de 10 à ce film, qui fait sourire de temps en temps, mais qui aurait dû oser beaucoup plus. Au revoir. Le vrai karaté, c'est un karaté qui vient du cœur. C'est un karaté qui te parle, c'est double impact. Voilà, double impact, ça c'est du vrai karaté. Ouais, c'est pas terrible, double impact. Je l'ai vu, c'est pas terrible. C'était DVD Test. DVD Test. Bah merci en tout cas à Fabio pour nous avoir fait revivre ce film. Il est exceptionnel ce film. Twist Society, on est dans les succès de l'été chez Killer. If we try and live our lives the way we wanna. Solitary brother. l'instant, c'était Twist Society Killer. S'amuse bien sur l'antenne. Pour contacter la radio, un simple texto suffit. 0-622-69-18-19. Allez, Killer. 0-622-69-18-19. Blague. Léna, tu vas rentrer progressivement dans un autre. Rentrer, voilà. VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum boum. Léna, Jack, Malo, les bons rires, Thomas également, Pauline, vous êtes tous là, Aplo, Aplo, faut vous faire entendre. C'est la dernière. Hein, comment le dire autrement que c'est la dernière? Bah, Melben va venir chanter quand même. C'est non, vrai. C'est vrai. Tu savais ça, Malo? Pardon. Allô, Malo? Oui. Non, je savais pas. J'aime bien Amel Bent en plus, Malo. Oui, ça va. Tu peux chanter un peu d'Amel Bent? Vaut mieux pas que je chante. Tu chantes bien, allez, vas-y. À 20 ans. Non, non, il fait pas très beau déjà. Bah, justement, ça changera plus rien. Non. Bah, chante, Jack. C'est pas beau de retourner comme ça. À toujours 20 ans. Pardon. Non, on aura la vraie qui va venir chanter d'ici quelques instants. Ça cassera moins les oreilles des auditeurs. Elle va nous parler... Oh, ça va être succinct, hein, mais parce qu'on voulait juste un clin d'œil d'Amel. Pas plus. Sinon, c'est trop. Yves Larocque, c'est Rise Up le titre. Alors ça, c'est une nouveauté, je me permets. Je me permets de vous dire que Thomas et moi, on pense que ça va être un carton à la radio. Ouais. Progressivement dans un autre univers. VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum boum boum boum boum. Yves Larocque à l'instant, le titre c'est Rise Up. On est avec Malo, on est avec Léna, on est avec Thomas, on est avec Pauline, il y a Manu dans les studios, ça fait plaisir. Le public est là, le public est présent pour cette dernière. Tu vas bien? Tu vas bien? Non, fais pas de bise à l'animateur, ça sent. Attends, oh là là, oh en direct comme ça. Tiens, Malo, t'as vu? Vu ou quoi? Ça se sera entendu. Manu va faire des excuses tout de suite ici aux auditeurs. T'as failli faire un smack en direct. C'est interdit à la radio. Le CSA là, on aura été catalogué dans Radio Abise. Et ça, c'est très mauvais. Oh là là. Radio Bisounours. Il a failli se passer un drame en direct, les auditeurs. La suite du programme, c'est avec Malo. Oui. C'est quoi la suite du programme? C'est avec... C'est avec Léna. Le journal. Vas-y. Le journal. Le journal de la rédaction, s'il te plaît. Le journal de la rédaction. Très bien. 0622-69-18-19, c'est fini. 0622-69-18-19. Ouais, exactement. Et ben ça va être le numéro SMS. Faut vraiment nous envoyer vos textos à Melbent à venir également. Et tiens, puisqu'on peut se permettre un peu, c'est la dernière, on va vous diffuser Saturday Night Kebab. C'est présent dans l'album de Fatal Bazooka. Et c'est, t'as vu l'album, t'as vu? Qu'est-ce que ça va? Oh, qu'est-ce que tu fais? Bah viens. Ah, c'est samedi soir, tu vas pas aller te coucher. Saturday night, bébé. Allez, viens, je te sors. Mais je m'en fous que t'es un mec, moi. Je suis pas jaloux. Allez, monte. Je sais que t'as envie de venir. Monte. Ouais. Monte dans ma kangourou, bébé. On va creuser dans Paname, bébé. Ce soir, c'est moi qui régale, bébé. Ce soir, tu vas kiffer ta race, bébé. Ouais. Dans ma kangourou, tu lances peinture blanche. Cache en plastique sur les jantes, c'est clair. Allume cigare à l'arrière, profite du confort. Tu kiffes les utilitaires? L'empreinte sans plomb, 95. On file à 110 sur l'autoroute à 15. Prends gros beignet, tout place Clichy direct. On arrive à Strasbourg, Saint-Denis. Débarquement dans la ville luminaire, Paris. Samedi minuit, rue de paradis. Pour toi, baby, je vais faire tomber la cagoule. Ce soir, je te sors au délice d'Istanbul. Ce soir tu vas kiffer ta race, bébé. Attends, laisse, je vais commander pour toi. Un grec, frites, avec plein de frites. Salade, tomate, oignon, sans oignon. Ketchup, mayo, sauce blanche. Pour moi ce sera un spécial Ankara. Saumon fumé, gruyère et tarama. Doigt de Nutella et un max de harissa. Allez, prends ton petit plateau, installe-toi. Les coups sur la table, c'est parti pour un tour. T'essayes de manger sans t'en foutre tout autour. Et t'as vu chérie, j'ai pris des bières ce soir. Au kebab, c'est tellement pépère. Je t'emmène au kebab. Installe-toi, bébé. Ce soir, je t'emmène au kebab. Saturday night kebab. Ce soir, je t'emmène au kebab. Je te lâche au royal. Ce soir, je t'emmène au kebab. Saturday night kebab. Saturday night kebab. Saturday night kebab. Sur mon Nokia, sur ton épaule, je passe mes doigts tout gras. Je sais pas ce qui me fait craquer, petite. Ton parfum, l'odeur du bac à frites. Mais dans tes yeux remplis de grâce, dans tes mains remplies de graisse, je m'évade, je te roule une belle sauce kebab. Excuse-moi, c'est la bière. Xbox, j'suis trop balèze. Ouais, ma grâce. Ouais, ma grosse. Bon, on y va? Hein? Tu crois que j'peux expert un pompinon? T'as vu? T'as vu Fatal Bazooka, c'était Saturday Night Kebab, une chanson politiquement incorrecte, mais bon, ça nous fait bien rire ici à la radio de temps en temps de se lâcher avec Michael Youn. Entrez progressivement dans un autre univers. VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum boum boum boum boum boum. Et voilà donc la suite de l'émission qui fait boum boum, c'est le club VIP. Vous retrouverez également Yael en duo avec toujours sur l'album de Michael Youn, hein, dont on fait un petit débriefing. Vous retrouverez la chanson Par la Maman également, qui est une très bonne chanson, pas vrai Elena? Oui, excellente. Bah, par la maman, par la maman, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Oui. Bah vas-y, par la maman. Bonjour la main, tu vas bien la main? Oh, tu as 5 doigts aujourd'hui. C'est vrai? Oui, tu es tout en forme. C'est super. Tu vois, je sais parler à une main moi. J'ai pas peur de le faire. Vous avez retrouvé quoi, Mallory? Le journal de la rédaction. Waouh. Et si je te dis que la rédaction est en état de stress pour vous trouver les news, tu le croiras ou pas? Oui. Oui. Non mais ça, sincèrement, parce que les news sont pas encore tombées, elles sont en train de tomber, regarde au plafond. Ah oui, ah oui. Vous avez entendu peut-être, il y en a quelques-unes qui sont tombées, il y en a au moins 15 là, j'ai cru comprendre. Ah bah là t'as le choix hein. Ouais, j'ai le choix là. Bon bah on y va, on va lancer le jingle indicatif. Vas-y. Attends, 2 secondes, faut que les news arrivent. Allez, tap, tap, tap. Ah oui, mais tap, toi tap, tu vas plus vite que les news, c'est pas possible. Allez au taquet, c'est le journal de la rédaction, j'ai peur. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Alors, on y va avec les news. Il y a une news qui est tombée que je ne saurais pas, c'est ça? Je sais pas, il y a Sarko le crocodile de tous les temps, c'est ça que t'as toi? Oui aussi, oui. Voilà. Sarko le plus grand crocodile de tous les temps, on y va. Et un détenu africain indemnisé pour s'être brûlé sur des toilettes bouillantes. Ça, je trouve ça pas mal aussi. Alors je développe Sarko le plus grand crocodile de tous les temps. C'est écrit S-A-R-C-O. Donc c'est le plus grand crocodile du monde, vieux de 110 millions d'années. Autrement dit, Sarcosus Imperator revit à la ferme crocodile de Pierrelatte dans la Drôme sous la forme d'une reconstitution qu'on dirait presque en chair et en os. Il fait, il est assez impressionnant. Il est énorme. Sarcosus Imperator, dont le saurien se nourrissait sans doute de Circus, crocodile et impérateur empereur, pour dire le plus grand, avait une longueur de quelques 12 mètres. C'est le plus grand crocodilien connu, sinon le plus gros de tous les temps ayant existé sur Terre. On voit sa mâchoire, ça fait la taille d'un homme à peu près, voire plus. Ouais, le monsieur est assis dessus, ça fait pas mal quand même. Ouais, quand même. Un détenu africain indemnisé pour s'être brûlé sur des toilettes bouillantes. Un Sud-Africain va recevoir 3500 euros d'indemnité après s'être fait brûler les fesses sur les toilettes de la prison où il était détenu, a rapporté jeudi le quotidien The Star. L'incident s'est produit en 2004 à la prison centrale de Pretoria pendant des travaux de rénovation. Le détenu, un paraplégique aujourd'hui âgé de 36 ans, était assis sur les toilettes quand de la vapeur et de l'eau chaude a surgi, a-t-il raconté. Il s'est alors jeté par terre en hurlant. Une infirmière lui avait prodigué les premiers soins avant de le transférer à l'hôpital. Il avait ensuite porté plainte contre les services pénitentiaires et le département des travaux publics. Selon lui, les autorités auraient dû s'assurer que la plomberie ne ferait courir aucun risque pendant les travaux. Ouais, c'est quelque chose quand même. Tu t'imagines toi, aux toilettes? Tu sens une chaleur remonter comme ça. Elle est morte derrière, t'as créé le fou rire chez Malo. La suite du programme, c'est avec Estival Capar, Morcel, le sport, c'est la culture. Alors, pour cet après-midi, donc vendredi, vous avez skatepark de 15h à 19h à Central Park. Vous avez fabrication d'un origami de 15h à 17h. Un tournoi de foot sur sable pour les moins de 14 ans, donc de 14h à 17h. Et c'est à Trestraou. Pour les plus de 14, c'est aussi la même heure, 14h, 17h. Et c'est également à Trestraou. Pour la soirée, c'est initiation au tennis de table. Et c'est de 17h à 18h. Pour Destination Bien-être aujourd'hui, il vous parle de la rentrée et de venir réaliser votre dernière tresse ou votre dernier bracelet. Et c'est ouais, à Trestraou. Ouais, c'est bien ça. Ça fait plaisir. Dernier programme de l'été. C'était le journal de rédaction. Rappel d'ici une heure. Et puis, bien sûr, pour l'heure, la musique. On va vous passer un max de musique. Le club VIP. Succès interplanétaire. Mika, Moco Blanto. C'est le fameux remix. club VIP. Le club VIP. Progressivement dans un autre niveau. Le club VIP. L'émission qui fait boum boum. Puis là, on peut en mettre un maximum de boum boum. Ah, on s'en fiche. On est payé au boum boum. Plus on met de boum boum, plus on a de faux argent. Ça fait bien plaisir. Ça va, Léna? Très bien, et toi? Ouais, ça va, ça continue. Ça va, Malo? Oui, très bien. Ouais, t'es à fond sur Internet, là? Oui, je regarde s'il y a beaucoup de monde qui sont en train de regarder. De nous écouter, en fait. La radio. Ah d'accord, tu fais un petit peu le point sur l'écoute, c'est bien ça, c'est sur important. Sur les web auditeurs. Auditeurs. Auditeurs, oui, c'est pas mal ça, mais normal. Nous avons un programme à suivre, un programme strict, nous allons suivre à la lettre, n'est-ce pas? Oui. À toi de nous indiquer ce programme. Bah ça va être l'heure du Saint du jour. Ah oui, c'est vrai. Oui. Le Saint du jour qui est une institution ici à la radio puisque nous allons faire un canular, il faut se dépêcher parce que je vois l'heure et c'est que vrai. C'est mieux de le faire d'ici moins d'un quart d'heure. Bah en fait on fait le Saint du jour maintenant alors. Ouais on va le faire. Ah oui pas bête. Ah ouais pas bête. Allez. Ah oui y en a là-dedans. Allez on y va. Le Saint du jour ça va être parti. C'est Léna qui va vous parler du prénom à l'honneur aujourd'hui. C'est parti. Saint du jour, un saint à l'honneur. Alors aujourd'hui bonne fête à Aristide. Bonne fête à Aristide. Alors, Aristide, vous êtes un individu sensible, votre intelligence a vite fait de détecter les mensonges. Vous décortiquez les arguments, scrutez l'essence des choses. Lucide et volontaire, vous savez faire preuve de sang-froid dans les moments difficiles. Oh, c'est tout génial. Ça ? Ouais. La chance. Il a de la chance de pouvoir détecter les mensonges, lui. Il s'appelle Aristide. Voilà, et c'est aussi la Saint-Jonas. Ah, Jonas, le chanteur Non, il n'y a pas aussi une souris qui s'appelle Jonas ? Une souris qui s'appelle Jonas ? Non, non. Peut-être ta souris quand t'étais petit, mais... Ah, c'est ça. Je pense que c'est plus ça. Timbaland, The Way I Am, on vous passe les plus grands succès estivales, et c'est rien que pour vous, les auditeurs. We'll be right back. tu veux suivre Estival en permanence, c'est simple. estivales.fm.free.fr. estivales.fm.free.fr. Alors, let's go sur le web. Club VIP. The Club VIP is always present on the FM, Radio FM, Estival FM is with you. With the last one of the Club VIP, the best one emission of radio with Jack and Lena, Mallory and Thomas dans le studio. Ça va, vous allez bien? Oui, nous nous adressions quand même à nos amis anglais qui sont présents également, qui écoutent et qui comprennent pas tout. Donc, des fois, je fais la traduction simultanée. Alors, par exemple, vas-y, Léna, tu vas annoncer la suite. Je vais traduire simultanément pour nos auditeurs anglais. D'accord, alors la suite. Ok. The next. Donc, nous allons retrouver le canular. We have the joke phone. Joke phone, yeah. Because, c'est trop fort. I am so strong. Ah non, ça se traduit pas, les rires. C'est bête que je fais. Nous allons donc téléphoner à Aristide, puisque c'est la Saint-Aristide aujourd'hui. Et la musique? Oui. Global DJ. Get up. Yes. To the beat. To the beat. To the beat. Stomp it, jam, trip on this. Get up on your feet before the night is through. For you won't miss. Get down to the beat. Bump it, stomp it, jam, trip on this. Get the party started. Get it on, get a move on, kids. Rock to the beat. Bump it, stomp it, jam, trip on this. Get up, get busy. Club VIP, ça fait plaisir avec ouais les animateurs, le studio Malo tout de suite ici. Malo sur ta chaise, Malo sur ta chaise. Les auditeurs veulent t'entendre. Bah, oui. Je quitte l'émission si tu n'es pas là. Ah bon? Ah ouais. Tu tiens autant à moi. Mais oui, comme à ma prunelle de mon micro. Ça fait plaisir de t'avoir dans le studio. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves que l'émission est bien? Ouais, elle est super. Elle est délire, hein? Ouais. On s'amuse bien. Bah, tu peux venir ici quand tu veux. Ça dit, profitez-en bien. Parce que c'est la dernière. Bah oui. Bah oui, on est content quand même. C'est triste un peu. C'est triste, en même temps c'est bien. C'est bien triste. Nous allons avoir David Guetta dans les studios qui va venir chanter avec sa guitare. Tu sais, c'est le compositeur un peu punk. Oui, oui, oui. Nous allons également faire le canular tout de suite. Nous allons appeler Aristide, spécialisé dans le management des meubles. J'ai pas trop compris ce que c'était. On va l'appeler, on va lui faire une blague. Hop. On y va? Ouais, vas-y. Ouais, je vais être tranquille. Je retire mon chewing-gum. Je travaille toujours avec un chewing-gum pour le canular. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Joseph Pascal, je suis antiquaire belge. Et j'aimerais savoir un petit peu ce que vous proposez au niveau des managements, au niveau des meubles. De quoi parlez-vous? Nous vendons des marques, monsieur. Voilà, tout à fait. Donc j'aimerais savoir dans quelle mesure on pourrait se procurer telle ou telle marque. Et j'avais vu, moi, sur votre site internet... Oui. ...que vous faisiez du management. Non. Bon, c'est une erreur, alors. Oui, nous, on vend des marques, mais uniquement des marques, pas de produits associés. D'accord. Mais sinon, au niveau organisation aussi, il y avait conseil en organisation d'ameublement, c'est bien ça? Pas du tout. Bien, très bien. Faudrait dire aux pages jaunes, quand même, qu'ils se sont trompés. Hein. D'accord. En tout cas, vous faites quel type de marque? Parce que ça peut m'intéresser aussi. Tout type de marques anciennes qui peuvent être relancées, qui sont relançables. Du Napoléon III, par exemple? Non. D'accord. Du Napoléon Ier, peut-être? Non plus, non. Nous ne sommes pas antiquaires, hein, monsieur. Voilà. Faudra dire aux pages jaunes également, parce qu'ils vous ont mis Aristide en co, antiquaire de marque. C'est notre dénomination sociale, oui. Nous sommes antiquaires de marque. C'est-à-dire que nous vendons des anciennes marques. D'accord. Comme des anciennes marques de yaourt ou de parfum. D'accord. Ah, ben oui, c'est intéressant, ça, parce que j'ai un ami qui tient un musée également. D'accord. Ça peut être intéressant, par contre, pour lui. Oui, à la limite, vous pouvez lui envoyer... À Bruxelles. Notre site, et il peut regarder et nous envoyer un petit mail ou nous appeler, oui. Par exemple, des vieilles conserves qui se font plus, par exemple. Exactement, exactement, oui. Quelle chance. Parce que cet ami cherchait justement ce genre de choses. D'accord. Vous avez, par exemple, les anciennes boîtes de chocolat, par exemple, Benko, enfin... Ah non, nous on fait pas de produits, comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'anciennes boîtes. Nous on a les marques, on a l'immatériel, comment dire, le trademark. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais pas tout à fait. Alors c'est simple. Par exemple, Pastador. Schlader. Pastador, c'est une ancienne marque de pâte à tartiner belge. Un peu comme du... Ah bah ça tombe bien, dis donc. Mais c'est un peu comme du Nutella? Voilà, exactement. D'accord. Mais nous, on n'a que la marque. C'est-à-dire que si quelqu'un nous appelle, un industriel, et nous dit j'aimerais lancer une marque de... Enfin, une pâte. Relancer, d'accord. Nous, on peut lui prêter la marque qu'on a. D'accord, c'est au niveau du nom, c'est ça? Exactement. D'accord, et au niveau du logo, tout ça, d'accord. Exactement, exactement. Bien, d'accord. Bon, effectivement, je me suis un peu égaré, là, dans ces cas-là. Non, pas de problème, pas de problème. Non, en tout cas, vous êtes bien sympathique, monsieur. D'accord, bah, je vous remercie. Et puis, ça sera un petit clin d'œil de Belgique, une fois. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne continuation dans les marques. Merci. Au revoir. Voilà, c'était Aristide au téléphone. Et, une fois de plus... Il est sympa. Hein. Une fois de plus, ils sont sympas. Et il faut savoir quand même que les pages jaunes font quelques erreurs. Nous nous permettrions peut-être pour la dernière de ce club VIP d'appeler le responsable des pages jaunes pour lui dire qu'on fait des canulars. Et parfois, on est mal desservi et c'est un vrai souci à la radio ici. David Guetta, Delirious, ça part à 300 pulsations secondes. We'll be right back. Delirious, David Guetta sur l'antenne. Le club VIP. Club VIP. Club VIP, la suite, on va faire un point sportif. Est-ce qu'on est OK pour le point sportif? On n'est pas OK, OK. Mallory, on est OK pour la suite? Oui. Ouais, qu'est-ce que c'est la suite? Je sais pas du tout. Bon, bah on n'est pas OK, alors faut dire on n'est pas OK. bon, bah on a fait le sein du jour. On va bientôt attaquer le Dance Machine, la météo qui nous reste, parce que les auditeurs veulent savoir quel temps il va faire. Il y a également l'interview d'Amel Bent à faire. Mm-hmm. Ça, c'est pas fait. La météo, c'est pas fait. Amel Bent, je crois pas qu'on l'ait eu, j'ai pas le souvenir. Non, non, on l'a pas eu. Non, d'accord. On va falloir l'appeler. T'as son téléphone, t'as son numéro de portable? Non, je l'ai pas. Ah, d'accord. Comment on va faire alors? Bah, peut-être que Léna, elle l'a. Alors si quelqu'un a le numéro d'Amel Bent, des auditeurs qui nous écouteraient, 0622 69 18 19, vous nous l'envoyez par texto parce qu'on l'a plus, on l'a perdu. Et normalement c'était la surprise pour la fin de l'émission, t'imagines si on l'a pas, si elle vient pas, de quoi on aura l'air, hein? Je te le demande. On sera tous déçus. On va faire le point météo juste après Pif Daddy, featuring Kesha Cole, Last Night. La météo c'est juste après. Shake it, mommy. Put up your hands for me. That's how you dance for me. Shake it like you can, honey. We sending this one out to all the ladies all over the world. Get on the floor, make it bump more. Shake it, mommy. Put up your hands for me. That's how you dance for me. Shake it like you can, honey. Last night, I couldn't even get an answer. I tried to call, but my pride won't let me die. I'm sitting here with this blank expression, and the way I feel, I wanna curl up like a child. I know you can hear me. Can't live without you. God, please make me better. I wish I wasn't the way I am. I told you twice. You can see it in my eyes. Didi, Last Night sur l'antenne. Club VIP. Club VIP, la suite avec la météo donc présentée par Léna dans les studios. Donc la météo qui arrive tout de suite, c'est la météo des fruits de mer bien sûr. Donc on sait que c'est toujours important. La voici. La météo des fruits de mer. La couleur de votre été en direct de la radio. Alors aujourd'hui, il y aura des belles éclaircies et je crois que Mallory connaît la température de cet après-midi. Alors les maxis seront de 16 degrés et la température de l'eau sera 17 degrés. La basse mer sera 15h36, coefficient 104. Donc en fait, très bien. C'est bien, on peut tu aller pêcher. Aller à la pêche. Voilà. Excellent la pêche. Tu pêches quoi? Des crevettes? Moi? Ouais. Je pêche le gros. Le gros, hein, le gros thon. Tout à fait. Tu vas sur la plage et tu vas pêcher les gros. Ah, exact, avec mon harpon. Mais il faut que la mer soit très basse. Various Artists, il s'appelle DJ Crisp. On aime bien vous passer comme ça les succès qu'on fait les beaux jours d'estival. Les fous rires d'estival aussi. Aussi, ouais. Ooh. veux suivre Estival en permanence, c'est simple. estivales.fm.free.fr. estivales.fm.free.fr. Alors, let's go sur le web. Club VIP. Le Club VIP, la suite avec Léna, avec Malo, avec le public quand même pour la dernière. Bah oui, quand même. Et nous avons donc un point du côté de la future interview qui va venir, et c'est-à-dire D'Amel Bent. Exactement, Amel Bent, qu'on va retrouver plus en forme que jamais, qu'on va avoir par téléphone, parce que, oui, on a retrouvé son numéro, donc on va l'appeler. Voilà. Et ça va faire bien plaisir, et vous a laissé un petit message, rien que pour vous les auditeurs, on va l'appeler en direct. Et nous allons là faire le point du côté du Dance Machine du jour. Oui, ou le journal de la rédaction, peut-être un comme rappel. Tu veux, comme tu veux. Ah non, c'est toi qui choisis. Bah alors, on fait le rappel du journal et puis on fera le Dance Machine après. D'accord, le rappel du journal, ça se passe à la radio maintenant, puisque vous le savez, nous sommes tenus à un temps bien précis pour les actualités, c'est maintenant. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Alors, je vous développe encore quelques nouveaux titres. Un voleur abandonne une valise contenant 10 000 euros. Cure réussi pour un éléphant accro à l'héroïne. Berlin, un voleur qui avait dérobé une mallette s'en est débarrassé sans réaliser qu'elle contenait 10 000 euros, annoncent les autorités allemandes. Je pense que le voleur sera très en colère lorsqu'il apprendra cela, a commenté un porte-parole de la police de Düsseldorf. La propriétaire de la serviette, c'est un homme, il faut le savoir, un homme d'affaires iranien de 57 ans. Il a déclaré le vol et qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un avion. Un policier a ensuite retrouvé la mallette sans dessus dessous, mais contenant toujours deux enveloppes pleines de billets. C'est bête, hein? Bah ouais. J'aurais bien voulu les récupérer, moi, ces 10 000 euros. Mais ça m'aurait pas dérangé. Et d'un autre côté, elles sont retournées à leur possesseur. On aurait pu partir en vacances. Ouais, ça aurait été bien. Sur un beau bateau. Un yacht. Oh ouais. Tu réussis pour un éléphant accro à l'héroïne. Un éléphant enlevé par des trafiquants est devenu accro à l'héroïne. Il retournera bientôt à la vie sauvage après un an de désintoxication à la méthadone, rapporte le China Daily. Ils sont bêtes, ces trafiquants. Ils lui en ont donné. Big Brother avait été capturé en 2005 à la frontière entre la Chine et Myanmar, mais je crois savoir pourquoi ils ont fait ça. Par des contrebandiers qui le nourrissaient de bananes à l'héroïne pour mieux le contrôler, je m'en doutais, et conduire son troupeau là où il voulait. C'est après leur arrestation que les policiers ont récupéré le pachyderme toxicomane, bavant, en proie à des convulsions, capable de briser sa chaîne. Big Brother a dû être transporté dans un parc spécial où il a été sevré à la méthadone, des massages et des bains réguliers. T'imagines ce qu'ils ont le fait à cette pauvre bête, ouais. Quoi qu'il a eu des massages, hein, c'est pas mal. Hein. Après, la prochaine fois, ils feront ça peut-être avec un lion, ça serait sympathique. Ah, on verra. Les actus Caparmore, c'est avec Léna. Alors, aujourd'hui, donc pour cet après-midi, oui, vous avez le skatepark de 15h à 19h et c'est au Central Park. Vous avez une fabrication d'origamis, donc de 15h à 17h. Et vous avez le tournoi de foot sur sable, donc pour les moins de 14 ans, c'est à Trestraou. Et pour les plus de 14 ans, c'est la même chose. C'est à Trestraou et c'est de 14h à 17h. Et pour la soirée, c'est initiation tennis de table de 17h à 18h. Et pour Destination Bien-être, aujourd'hui, c'est les tresses, c'est le bracelet à Trestraou. Bon, bah c'est parfait tout ça. Bah on va peut-être y aller cet après-midi. Ouais. On va faire des tresses et des bracelets. On va faire ça alors. Voilà. Bon, on plonge dans les succès qu'ont fait les beaux jours de cet été. Je ne pouvais pas ne pas diffuser Justice. Oui, il y avait... Bah oui. Dance. Catching all the lights. Just easy as ABC, that's how we make it. l'instant, c'était Justice avec le titre Dance. Tous les samedis, Estival FM fait bouger ta soirée et t'offre un direct avec la discothèque Le Way Not. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Et vous êtes en compagnie du club VIP avec Léna, avec Malo, avec Thomas, avec le staff, Jack, moi-même. Ça va, Malo? Super. Ça va, Léna? Oui, ça va très bien. On est avec la dernière ligne droite. C'est parti. Il y a Amel Ben qui va, donc on va appeler bientôt. Oui. Il y a le Dance Machine qui arrive. On y va? On y va. Le Dance Machine du jour. Le Dance Machine du jour. Alors, si je te dis Barbara Alcindor, ça te fait penser à quoi? À une marque de produits pour cheveux. C'est vrai. Barbara Alcindor. Moi, je me parfume. Non, c'est Barbara. Donc en fait, c'est French Affair. Elle est née en France en 1974 et elle est connue donc sous son pseudo, donc French Affair. Elle a été mannequin puis choriste de MC Solar avant de devenir chanteuse de dance. Donc elle a produit le titre My Heart Goes Boom en 2000. Et donc extrait de son album Désir. Donc voilà. Et on peut la classifier sans faire d'erreur dans la catégorie Eurodance. Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, elle a fait elle a deux singles, si ma mémoire est bonne, qui datent, je l'ai pas là, mais qui doit dater de 95 ou 97. Ah oui, c'est une artiste complètement, comme on dit, Eurodance. Voilà. French Affair, donc, Barbara Alcindor, pour le plaisir de vos oreilles et de vos cheveux. Really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really Coach FR. Papi, papa. Avec le club VIP, plonge dans l'été. C'était French Affair, My Earth Goes Boom, Boom, Boom, Boom. Vous êtes sur Estival, c'est le club VIP, c'est la dernière ligne droite. Ça va, ça se passe bien dans le studio? Ça se passe toujours bien apparemment, le public est enflammé. Ouais, oh, le public! Ok, nous allons appeler Amel Bent. C'est vrai. Ouais, on y va? Vas-y, je te laisse composer le numéro. On met en place la ligne. Ouais. Hop, et on raccroche, hop, et oh c'est une blague, hop, non mais ouais, oui, on l'appelle pour de vrai. Salut, c'est Amel Ben sur Estival FM. Bonjour Amel. Bonjour. Ça nous fait d'abord très plaisir de te recevoir sur les ondes du club VIP. C'est gentil, merci, mais je suis aussi contente d'être là. Bon, est-ce que tu connais un peu la Bretagne? Un petit peu, j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Ouais, t'as été vers où? À Douarnenez. Douarnenez, où il y a eu un festival important. De la sardine. Ouais, de la sardine et de la vieille coque, tout à fait. Et puis sinon, ben, j'ai été dans d'autres... Ben, je sais pas si Marraine, Bourg-Franc... On adore. Non, c'est des endroits qu'on aime beaucoup. La Bretagne, non? Ah ouais, quand même, on peut le dire. Voilà, ça descend un petit peu, mais on va compter ça dans la Bretagne. Tu fais quoi durant tes vacances? Quel est le programme d'Abel Bent? D'Espagne, là, j'étais à Marbella pendant 2 semaines avec ma meilleure amie. On a rejoint des amis, des couples, des amis à elle. Bah, c'était une ambiance un peu familiale avec des enfants. Des temps de farniente. Ouais, c'était. Enfin, j'ai passé 2 semaines à l'horizontale, quoi. C'est ça. Je bronze, même quand je mange, je suis allongée, il n'y a pas de problème. J'ai pris 15 kilos, tout va bien. Oh. Donc voilà. Tu es proche de la chanteuse Diams, hein. T'as fait une collaboration notamment sur le titre à 20 ans d'ailleurs. Comment ça se fait? Comment ça se passe au quotidien? Elle t'appelle? Tu l'appelles? Non, je veux dire, ouais, ça, c'est une relation, on va dire, un peu de potes, quoi. On s'envoie des textos de temps en temps, pour prendre des nouvelles. S'il y a un projet ou quoi, bah on s'appelle, machin. Après, c'est clair que c'est pas ma meilleure amie, on passe pas nos journées et nos soirs ensemble. Mais on a, je pense, beaucoup de respect l'une pour l'autre, et que ce soit humainement comme artistiquement, et voilà quoi. D'accord. Alors, on m'a fait parvenir un petit papier pendant l'interview, parce qu'on est dans le studio d'Estival. On m'a demandé, demande-lui de chanter. C'est possible? Vous voulez que je vous chante quoi? Bon, Hakuna Matata, on me fait signe. Non, mais ça c'est. Et puis après, on rigole. Ah, bravo. Le dernier single. J'ai 20 ans, j'ai la vie dans son monde rêve. Le feu des projecteurs, toujours le sourire aux lèvres. J'ai 20 ans, dans un monde où l'amour crève. Je m'accroche à mes valeurs sans jamais demander de trêve. Et j'aurai toujours 20 ans dans les yeux de ma mère. Ma mère. Ouais, ouais. Un public comme ça. Bon, ça fait plaisir. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu des questions-réponses. Autour de moi. Hein? Non, en fait, je suis au salon, je suis en train de me faire. Ouais. Je suis chez Jacques Deux. Et là, tu captes plus, hein, Amel. Autour de moi, ils sont tous en train de se faire coiffer, ils sont tous retournés là-haut. Ah, d'accord. Bah oui, c'est ça, c'est le jeu des interviews, c'est pour ça que tu les aimes pas. Non, mais en tout cas, on te remercie d'avoir joué le jeu comme ça, de cette petite carte postale pour Estival. Ah, c'est gentil, merci. Bah, moi aussi, il n'y a pas de. C'est un plaisir. Eh oui, c'est un plaisir d'avoir eu Amel dans les studios. Elle est sympathique, Malo, hein, t'as entendu? Oui, oui, oui. Une artiste gentille. Merci, Amel, en tout cas. Et on retrouve Nouveau Français, bah, puisqu'elle était en inter avec nous. Amel avec le titre, son titre phare, hein, à 20 ans, et puis Nouveau Français qui est énorme. Dans des cases, fichés sur des fiches, au discours de base et front sur l'affiche. Même si on a marre, sans juger personne, y'a qu'à seulement voir les clichés qu'on donne. Mais qui fait des histoires vraiment dans ce pays? Je suis ici, nouveau français. paroles qu'on traîne, c'est le regard qui souligne qu'on a la chance d'être là. Faut pas qu'on l'oublie, je viens bien d'un endroit, mais je suis ici. Mais qui fait des histoires vraiment dans ce VIP plonge dans l'été. Oui, c'était Amel Ben que nous avons reçu en interview et qui nous a fait l'amabilité de vous chanter une petite chanson pour vous les auditeurs. Nous avons bien Bobby Bob dans le studio. Bonjour Thomas. Bonjour Jack, bonjour Léna. Bonjour Thomas, ça fait plaisir de te voir pour ce dernier point sport. Et nous espérons qu'il sera à la hauteur de tous les points sport que tu nous as fait cet été. Hein. Ah, il sera certainement à la hauteur, il sera même riche. Bon, bah c'est parfait. Donc, à commencer par le football, le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc, il y avait deux clubs français qui étaient dans cette liste. Alors, tout de suite, les groupes. Donc, on commence par le groupe A. Donc, où il y a l'Olympique de Marseille notamment. Donc il y a Liverpool, donc Marseille, Porto et Beşiktaş dans le groupe. Dans le groupe B, il y a Chelsea, Valence, Schalke 04 et Rosenborg. Donc c'est le groupe le plus relevé a priori. Dans le groupe C, le Real Madrid, le Werder Bremen, le Lazio de Rome et l'Olympiakos, groupe très relevé également. Ensuite dans le groupe donc dans le groupe E où il y a figure également l'Olympique Lyonnais, il y a le Barça, le Stuttgart qui est le champion d'Allemagne sortant, les Glasgow Rangers. Ensuite il y a également dans le groupe D, il y a le Manchester United, l'AS Roma, le Sporting Portugal, Dynamo Kiev. Et enfin dans le dernier groupe où figure Arsenal, il y a FC Séville ou la EK Athènes, puisque le match ne s'est pas encore disputé. Il y aura également le Steaua Bucarest et le Slavia Prague. Voilà. Donc ça c'est pour le tirage au sort. Ouais. Et puis pour le football, pour la Ligue 1, la 7ème journée donc, qui commence demain. Donc le premier match se déroulera à 17h10 à Bordeaux. Donc ça sera Bordeaux-Monaco. Et ensuite à 20h il y aura Lyon-Le Mans, Caen, Sochaux, Nancy-Saint-Etienne, Strasbourg-Lorient, Valenciennes-Metz, Rennes contre Lille, Toulouse-Auxerre. Et puis demain, enfin après-demain plutôt dimanche, 18h PSG-OM, le grand match que tout le monde attend. Et puis à 20h40, Nice contre Lens. D'accord. Voilà. Le tennis, l'US Open, toujours. Donc les résultats de la 4ème journée. Donc hier, la qualification de Berdych pour le 3ème tour. Il y a Roddick, Davidenko, Almagro, Murray et Haas qui se sont également qualifiés pour le 3ème tour. Ouais. Et puis chez les Français, donc, il y a eu le forfait de Richard Gasquet qui a été victime d'une angine. Donc c'est assez embêtant. Et puis c'est plutôt décevant parce qu'on comptait beaucoup sur lui. Pour aller le plus loin possible. Et désormais, il n'y a plus que Sébastien Grosjean qui s'est qualifié pour le troisième tour. En fait, il a battu Merny en 4-7. Il affrontera Tomias au prochain tour. Et les autres éliminations, eh bien, il y a eu Gilles Simon qui a perdu contre Verdesco en 3-7. Mmh. Il y a eu Clément qui a été battu contre Johansson en 4-7. Liudra battu par Koubek en 3-7. Et un match dont on vante les mérites sur les sites de sport, c'est le match Santoro-Blake. Un match disputé en 5-7 et apparemment il a été superbe. Ah, Santoro a été superbe. Ouais, mais il a perdu quand même contre James Blake, l'homme en forme. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, le programme, il y a deux Français. Il y a Florent Serra qui va défier Ferrer et Joe Wilfried Tsonga qui va défier Hanman. Donc voilà, et puis d'autres têtes de série, il y a Nadal, Robredo, Djokovic, Hewitt, Safin, Nalbandian, Moya et Yuzny, rien que ça, qui vont jouer aujourd'hui. Et enfin un mot de rallye pour dire que c'est le rallye Nouvelle-Zélande ce week-end et à l'issue de la première journée, et bien c'est Marcus Groenholm qui est premier devant Sébastien Loeb qui est derrière à 13 secondes et Mirko Hirvonen à 49 secondes. Voilà Jack pour l'actu. Merci en tout cas pour cette actu, on va attaquer la fin de l'émission. Donc Léna derrière ton micro, Malo derrière ton micro. On y est ? C'est bon, j'y suis. Parce qu'il y a l'événement là dans la radio. C'est quoi ? Il y a James qui est venu pour la dernière, ça fait plaisir, un petit mot James. Ouais. On l'oblige à se lever, on sait qu'il est convalescent. Hein. 2 mois de radio. Ça, oui, voilà. Hop, un petit mot. Bonjour. Bonjour et bientôt au revoir. Et bientôt au revoir malheureusement. Mais on reviendra ? Oui, sans doute. Oui. Nous allons donc faire un petit point du côté du sommaire hein, puisque nous avons un jeu. Oui, le Sun Game. Alors, le Sun Game, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu, donc c'est une question que l'on pose juste après la série radiophonique. Voilà, donc on écoute. Alors, c'est important, c'est pour ça que j'ai... C'est le dernier. J'ai fermé la musique un peu exprès, oui. Puisque nous allons vous annoncer très officiellement la fin de la saga radiophonique Kiss Kiss Forever. Ça y est. Je voulais un petit peu de solennité. Nous avons été très heureux, Léna et moi, de vous coproduire cette saison de Kiss Kiss Forever, ainsi que tous les acteurs. Cette série. Ouais. Oui, c'est vrai. Jérémy est là, il y a Thomas qui jouait Donald. Ouais. Et puis on salue également toute la troupe de la Lilane qui sont venus au pied levé pour faire des voix dans des conditions parfois un peu périlleuses. C'est et nous, sûr. Nous les en saluons. Voici l'épisode 20, dernier dénouement de cette histoire d'amnésie entre... Brian Forever et sa famille, Pamela Forever, Jeremy Forever et la production de son film. Voilà les derniers, le dernier épisode. Écoutez bien, derrière on vous fait gagner l'ultime place de cinéma. Dans les épisodes précédents, Brian, l'acteur qui a retrouvé la mémoire, commence à douter des sentiments de sa femme. Voici l'épisode 20 de votre série Kiss Kiss Forever. Épisode intitulé « Ultime confrontation ». Résidence Forever, 11h22. Allô, c'est Brian. Ton appel est inopiné. Il est un peu téléphoné, je sais, mais je devais te parler. Je t'écoute comme un ami écoute un autre ami. Bien, j'ai de profonds doutes sur ma femme. Elle est volage, comme un papillon de nuit qui virevolte dans la luxure. Mes doutes ne sont pas là. Je trompais Pamela hier avec une actrice de renom... Et je me suis demandé si Pam était vraiment Pam. Comment ça ? Je commence à me demander si Pamela, qu'on m'a collée comme femme, est vraiment ma femme. Un piège ? Un attrape Brian. On a voulu me faire prendre des vessies pour des lanternes. Il faut que tu éclaires ta vessie. Et il faut plutôt que j'éclaire ma lanterne. Jérémy ? Oui, Pa ? J'aimerais que tu dises à Pamela, ta mère, de descendre de sa chambre. Maman ! Papa a l'air d'être en pétard contre toi. Qu'est-ce que tu me veux ? Je regardais les photos de famille tout à l'heure et un détail m'a sauté aux yeux. Que tu avais grossi ? Oh non, un détail te concernant. Tu avais un grain de beauté sur la joue gauche, avant. Et ? Et maintenant, il est sur ta joue droite. Un effet miroir, tout simplement. Mes yeux n'ont pas de miroir au fond de leur pupille, Pam. Je ne comprends pas. Moi non plus, sur le coup, je ne comprenais plus rien. Je me suis senti mal à cause de ce grain de beauté mal placé, j'ai eu soif et je suis allé chercher un millésime d'eau minérale à la cave. Bon sang, où est ce Perrier 1973 ? Au secours ! Mais j'entends des voix. Au secours ! Il faut que je perce la cloison, on dirait qu'il y a quelqu'un. Au secours ! Oh sang. J'arrive, je suis là. Mais, mon Dieu, mais c'est Pam! On m'a enfermé depuis 3 mois, Brian. Tu es mon sauveur. Je ne mangeais plus que des rats. Embrasse-moi. Pas tout de suite. Je vais te conduire à l'hôpital. Alors, ça te la coupe, Pamela, usurpatrice d'identité. Et quel est ton vrai prénom? D'accord. Je m'appelle Brenda Pokes et je suis la sœur jumelle de Pam. À l'exception de ce grain de beauté, nous étions pareils. Maman? Tu n'es pas ma mère! Et tu as essayé de te débarrasser de moi et de ma vraie femme? Non, je voulais récupérer la vie de ma sœur et la fortune de son mari, toi, Brian. C'est pour ça que je ne voulais pas entendre parler de ta production coûteuse. Pose ce bazooka, Brenda. J'ai retiré les balles de ton sac à main. Tu as toujours eu de la chance, Brian! La chance sourit aux audacieux et pleure devant les imposteuses. Adieu, Brenda! Ta mère était loin d'être ce qu'elle était. Luc Lamandon pour la musique au piano, Richard Klederman. Oui, on peut applaudir à cette fin de série. On comprend maintenant pourquoi Pam était si méchante, parce qu'elle n'était pas Pam. Non. Nous allons finir par... Hop. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Plonger dans l'été, puis le Sun Game. Voilà. Alors on vous fait gagner aujourd'hui l'ultime bafouille, l'ultime place de cinéma. Oui. Alors, je te donne la question, puisque tu as fait de nombreux Sun Game. C'est vrai, j'en ai fait, oui. Léna, ouais. Tu vas pouvoir poser la question aux auditeurs. On va rappeler, Malo, le numéro SMS. Oui. 0622 69 18 19. Pardon, on n'a pas entendu. 0622 69 18 19. D'accord, vous avez noté? Oui. Bon, bah très bien, moi aussi. Nous allons vous poser donc cette question. Si vous avez bien suivi l'épisode 20, ça ne devrait pas poser de problème normalement. D'accord. Bon, on y va, c'est le Sun Game. Le Sun Game. Sun Game. Des cadeaux plein ta radio. Alors, la fausse femme, voilà, la fausse femme de Brian s'appelle Brenda, en A, Pekov, en B, Brokes, ou en C, Pokes. Voilà, si vous avez la bonne réponse. Donc A, donc c'est Brenda Pekov, en B, Brenda Brokes, et en C, Brenda Pokes. Voilà, vous avez bien entendu l'épisode 20, vous pouvez gagner cette ultime place de cinéma offerte par notre partenaire Les Baladins. 0622 69 18 19. Voilà. Oui. Nous nous disons au revoir. Et pas à la semaine prochaine. Eh ben non. Puisque la saison estivale s'achève, dernières, c'est tout au long du week-end, vous aurez la dernière de Technics. Juste un dernier truc. Oui. On veut souhaiter avec Mallory l'anniversaire de notre maman, puisque c'est aujourd'hui, et comme c'est la dernière du club VIP, on voulait le faire en direct. Donc bon anniversaire, maman! Et que c'est une fidèle auditrice et qu'elle nous écoute tous les jours. Alors en plus, on lui fait de gros coucou. Voilà. Et à tous les auditeurs également qui ont été présents, assidus. Voilà. Qui nous ont laissé des messages sur le forum, qui nous ont encouragés, qui nous ont envoyé des messages. Merci à tous. Merci, ciao, bye bye. Au revoir. Salut. Let's go, I'm a superstar. Getting busy with the boys, hanging at the bar. Everybody coming close, cause they all want me. You want it when you saw me. I like how you look, baby, call me.